Chapitre 5e. Bataille. Tout d'abord, ils ne distinguèrent rien que les masses confuses des arbres se découpant sur le ciel parsemé d'étoiles. Mais peu à peu, ses yeux s'habituèrent à la nuit dans laquelle il venait d'entrer. Il vit nettement le sable des allées tranchant sur le vert sombre des pelouses. L'arête vive de la haie vers laquelle se dirigeait ses regards lui apparut bientôt coupant d'une ligne irréprochable le lit de la paisible rivière dans laquelle le ciel reflétait ses myriades d'étincelles. Pendant une demi-heure, il n'entendit rien de suspect. Tout à coup, il dressa l'oreille. Il lui avait semblé qu'une troupe d'hommes, marchant avec précaution, faisait crier sous ses pas le sol pierreux du chemin de halage. Maintenant, il voyait presque aussi bien qu'en plein jour. Dans le silence de la nuit, les moindres bruits arrivaient jusqu'à lui avec une intensité de son qui le surprenait lui-même. Au bout de quelques instants, il ne pouvait plus s'y méprendre. Les bruits de pas qu'il avait entendus se rapprochaient. 10 minutes après, un groupe d'hommes apparut, dominant la haie de la tête et des épaules. « Halte !» fit à voix basse celui qui les commandait. Ils s'arrêtèrent. Leur chef fit quelques pas à droite et à gauche, comme pour s'assurer que le château était plongé dans les ténèbres. De l'endroit où il se trouvait, il était facile de s'en rendre compte, puisque les bâtiments étaient isolés du parc par une large éclaircie, et que sur la droite, cette éclaircie avait été prolongée jusqu'à l'Oise afin d'en ménager la vue aux habitants. Convaincu que tout le monde dormait d'un profond sommeil, Barbaroux se rapprocha enfin de ses compagnons. « En avant, le pistolet au poing. Et pas de quartier pour les hommes, s'ils s'avisent de vous résister, » ordonna-t-il. Jean n'était pas à plus de 30 pas d'eux, il voyait et entendait tout. Les uns après les autres, les bandits franchirent la haie, et comme ce ne fut pas sans une certaine difficulté, Vif-Argent eut le temps de les compter, ils étaient 8. Doucement, ils battirent en retraite, et alla retrouver dans le cabinet Julien et ses domestiques. « Attention, » dit-il à voix basse, « les voici. Ils vont évidemment faire le tour du château pour chercher à y entrer. Laissons ouvertes, comme par mégarde, les persiennes de ce cabinet et fermons la porte-fenêtre. Évidemment, ils croiront une négligence et choisiront le chemin que nous leur préparons. Nous, rangeons-nous de chaque côté de la fenêtre, de façon qu'ils ne puissent pas nous voir, et quand ils seront réunis, tirons à bout portant sur cette canaille. Vous m'avez compris ?»« Parfaitement, » dit Julien. Il se rangea sur la droite avec le concierge et le jardinier, tandis que Jean et les deux domestiques se plaçaient à gauche de la fenêtre. Un petit quart d'heure s'écoula dans une indicible angoisse. Tout à coup, l'ombre d'un homme se profila dans le jardin sur les carreaux de la croisée. « Par ici !» cria-t-il à demi-voix en appelant de ses deux bras ses camarades. « Ne bougez pas avant qu'ils soient groupés devant la porte !» recommanda Jean. De droite et de gauche, en effet, ils accouraient les uns après les autres. Barberousse apparut à son tour, s'arrêta devant la croisée, démasqua une lanterne sourde dont il fit pénétrer les rayons dans le cabinet. « Personne !» dit-il en riant. « C'est vraiment trop commode. Cassez un carreau et ouvrez cette fenêtre !» À l'envi, tous les hommes se précipitèrent, tandis que Barbaroux s'écartait pour les laisser faire. « Feu !» commanda Jean à voix basse, et prêchant d'exemple, il brûla la cervelle de celui qui venait de faire sauter en éclats le carreau de la croisée. En même temps, Julien et les domestiques avaient exécuté un mouvement convergent et fait feu de leurs pistolets. « Assez !» cria Jean, à voix haute, cette fois. « Réservez vos coups et suce à ces misérables !» En disant ces mots, lui-même ouvrit la fenêtre et se précipita au dehors. 4 des hommes de Barbaroux gisaient étendus sur le sable de l'allée, foudroyés par cette décharge meurtrière. Les 3 autres et leur capitaine, paralysés de stupeur, ripostèrent à l'aventure sans trop savoir ce qu'ils faisaient, et hésitèrent un instant à continuer l'attaque. Mais quand ils virent Vif-Argent et Julien suivis de leurs domestiques sortir du cabinet pour les charger, ils reconnurent que toute résistance était impossible. « Tirez au large !» ordonna Barbaroux en s'éclipsant le premier derrière un massif. Ses 3 camarades prirent la fuite au hasard, poursuivis par les domestiques, tout enfiévrés de leur éclatant succès, et dont pas un seul n'avait été touché. Le concierge atteignit encore un des assaillants d'un coup de fusil. Les 2 autres se perdirent dans les profondeurs du parc, sans qu'il fût possible de les rattraper. Quant à Barbaroux, qui connaissait les êtres pour les avoir étudiés dans la journée, il eut bientôt fait de regagner la haie, de l'escalader et de disparaître. Jean n'avait pas été blessé non plus, mais une balle lui avait effleuré l'oreille droite, qui était légèrement tuméfiée, noire de poudre, et d'où coulaient quelques gouttes de sang. Sans s'occuper de cette écorchure, il revint sur ses pas pour ramasser les victimes. Des 5 hommes tombés, 3 étaient morts sur le coup, les 2 autres vivaient encore. Pendant qu'on transportait les blessés dans la grange, en face du logement du concierge, on chargea les cadavres sur une brouette que le jardinier alla tout bonnement vider dans la rivière. À peine cette sinistre besogne était-elle terminée, que la baronne et ses filles, réveillées par la mousquetade, apparurent à une fenêtre du premier étage. « Mais que se passe-t-il donc ? » demanda madame de Coissy, épouvantée. « Nous allons vous le dire, madame, » répondit Jean. « Ayez la bonté de vous habiller. » Accompagné de Julien, il se rendit auprès des blessés et pansa lui-même leur plaie qui ne présentait aucun danger sérieux. « À la première heure, vous irez chercher un chirurgien, » ordonna-t-il cependant au concierge. Quand il eut achevé de leur donner les soins nécessaires, il les interrogea. Leur réponse ne lui apprit rien qu'il n'eût deviné déjà. Barberousse les avait conduits la nuit dernière à Conflans, où il les avait laissés seuls pendant une bonne partie de la journée, tandis qu'il étudiait les abords du château pour combiner son plan d'attaque. Vers 10 heures, il les avait fait partir, leur avait servi de guide, et leur avait dit qu'il s'agissait de délivrer une mère et ses filles, que deux misérables retenaient injustement prisonnières. On pouvait tuer sans scrupule ces 2 hommes, ils répondaient de l'impunité. Jean et Julien savaient donc maintenant à quoi s'en tenir. Ils étaient condamnés par Barberousse. Si cette découverte n'était point faite pour les effrayer personnellement, elle n'était pas non plus de nature à les rassurer sur le sort de Valentine et d'André. Jean s'éloigna, après avoir recommandé à ses gens de ne pas se coucher avant qu'il leur en ait donné l'ordre. Puis il se rendit au salon avec Julien, fit prier la baronne de vouloir bien descendre et se promena, en proie à une agitation qu'il ne cherchait plus à dissimuler. C'est qu'il souffrait à présent pour son propre compte au moins autant que Julien pouvait souffrir pour le sien. Non seulement il adorait André, mais encore il s'apercevait qu'avec les difficultés auxquelles il se heurtait de jour en jour, cet amour avait grandi et devenait une véritable passion. Or, le sort d'André, pour le moment, était fatalement lié au sort de Valentine. Les séparer était impossible. Toutes deux couraient donc les mêmes dangers, étaient menacées du même déshonneur. Comment échapper, non pas à la mort qu'il était prêt à braver 100 fois pour André, mais au dénouement horrible par lequel cette lutte inégale se terminerait à coup sûr. Voilà ce que cherchait vif argent, sans rien trouver qui détournât de celle qu'il aimait cette épouvantable catastrophe. Au même instant apparut madame de Coissy, accompagnée de ses 2 filles, tellement effrayée qu'elle n'avait pas voulu rester seule dans leur appartement. Elle se tenait par la main et se serrait l'une contre l'autre, en proie à d'insurmontables terreurs. Julien s'approcha d'elle pour les rassurer et prit place à leur côté sur le canapé au fond duquel elle s'était laissée tomber. Quant à la baronne, quoique très agitée, elle avait conservé encore un reste de sang-froid. « Ah ça ! Que signifient ces coups de feu, ces gémissements que j'ai entendus ? » demanda-t-elle. « Il signifie, madame, que nous avons été assaillis par 8 bandits et que nous nous sommes défendus, » répondit Jean. « Contre 8 hommes ? » s'écria-t-elle étonnée. « Mais vous étiez donc sur vos gardes ?»« Heureusement pour nous, oui, madame. Mais qui vous avez mis sur le qui-vive »« Vous-même, madame. »« Quand ? Comment ?»« En nous donnant le signalement du misérable que votre présence avait mis en fuite aujourd'hui. »« Cet homme vous était donc connu ?»« Oui, madame, c'était Barberousse, l'agent secret de Dubois. »« Et vous ne m'en avez rien dit ?» fit madame de Coissy d'un ton de reproche. Pour vous épargner des frayeurs inutiles. J'espérais alors que ce drôle ne nous attaquerait pas dans la soirée, et je comptais vous faire quitter le château demain à la première heure. J'en étais convenu avec Julien, à qui, dès son arrivée, j'avais fait part de mes inquiétudes. Ainsi, dit la baronne avec un geste d'horreur, à cause de moi, vous avez risqué votre vie, on s'est battu, il y a eu du sang versé, des blessés, des morts, peut-être. 2 blessés seulement dans les rangs ennemis, madame, répondit Jean, qui ne jugea pas à propos de parler des morts, pour ne pas augmenter les terreurs de la pauvre femme. « Et parmi vous, parmi vos gens, personne n'a été atteint ?» insista madame de Coissy. « Personne, grâce à Dieu, non, madame. » En ce moment, elle leva les yeux sur vif argent. Quelques gouttelettes de sang avaient coulé sur son cou et sa cravate blanche, qu'elles avaient légèrement rougi. Elle aperçut son oreille que le frôlement de la balle avait noirci et visiblement enflé. « Mais vous vous trompez, » s'écria-t-elle. « Vous avez été blessé, monsieur. »« Ce n'est rien, madame, rassurez-vous, » fit Jean, « une simple écorchure. Avec un peu d'eau fraîche, il n'y paraîtra plus. » André, qui avait écouté la conversation, se leva tout à coup, s'approcha, regarda la blessure et poussa un cri d'effroi. « Mais c'est épouvantable, » dit-elle. « Un pouce de plus sur la gauche et vous étiez mort, monsieur. » Elle avait obéi à un sentiment instinctif et dont elle ne se rendait pas compte. « Mêle-toi de ce qui te regarde et laisse-nous, » gronda sévèrement sa mère, en lui ordonnant du geste d'aller reprendre sa place auprès de Valentine. Et se tournant vers Jean, « Il est certain, monsieur, que vous avez failli payer de votre vie l'hospitalité que vous nous offrez, » reprit-elle. « Or, je ne veux être pour personne le sujet de semblables boucheries. Je suis donc bien décidé à ne pas rester un jour de plus à Neuville. » « Je suis d'autant plus de votre avis, madame, » approuva vif Argent, « que Barberousse n'est pas homme à en rester là. » Certainement dut-il faire le siège du château avec une compagnie, il reviendra. Et dès demain, selon toute vraisemblance, ajouta-t-il. « Eh bien, partons à l'instant, » proposa madame de Coissy. « Nous sommes entièrement à vos ordres, madame, mais où irons-nous »« Nous rentrerons à Paris, monsieur. J'irai trouver le régent, je lui expliquerai. » Vif Argent sourit avec une expression de tendre pitié. « Et vous croyez que Philippe d'Orléans vous tirera les griffes de son âme damnée ?» demanda-t-il. « Non, madame, il fera venir Dubois, le sermonnera, le menacera de sa disgrâce. Mais celui-ci n'en fera qu'à sa tête, sachant bien qu'on ne destitue pas un premier ministre pour une pareille peccadille. « Mais alors, que faire ?» interrogea la baronne éplorée. « Quitter Neuville et choisir une autre retraite, » répondit Jean. « C'est du moins ce que Julien et moi nous avions projeté. » « C'est le plus sage, » appuya le jeune officier. « Vous pensez bien, chère madame, que nous ne vous abandonnerons pas en un semblable péril et qu'au prix de mon sang, je disputerai Valentine au roi lui-même. Ce n'est pas pour reculer devant le caprice d'un Dubois, et encore moins devant l'audace de ce fief et coquin de Barberousse. Je les tuerai plutôt tous les deux de ma propre main. « Eh, c'est précisément ce que je ne veux pas !» protesta la baronne avec énergie. « Assez de sang a coulé déjà pour que je m'oppose à ce que vous couriez de nouveaux dangers. Quand je devrais avec mes filles me retirer dans un couvent, je ne permettrai pas... »« Un couvent !» interrompit tout à coup vif Argent. « Attendez donc, mais oui, vous m'y faites penser, c'est une excellente idée. » « Hein, vous m'approuvez ?» fit madame de Coissy, enchantée. « Certainement, madame. Je crois même qu'il me sera possible de vous aider à réaliser votre désir. Comment cela ?»« Au temps où j'étais page de sa majesté, » dit Jean avec un peu d'embarras, « une personne, très haut placée à la cour, a daigné me témoigner une excessive bienveillance. J'en étais d'autant plus flatté et d'autant plus touché que l'obscurité de mon nom ne m'avait pas habitué jusqu'alors à de telles indulgences. » « Mais cette personne, quelle est-elle ? » demanda madame de Coissy. « C'est la fille du régent, la princesse Louise Adélaïde d'Orléans. Elle pourrait, en effet, nous couvrir de sa protection si elle n'avait pas quitté la cour, » convint la baronne. « C'est justement parce qu'elle l'a quittée que sa bonté nous serait d'un plus grand secours encore, » répliqua Jean, « car vous n'ignorez pas que son Altesse Adélaïde s'est retirée dans le couvent de Chelles, dont elle est abbesse. « Vous avez raison, » s'écria la baronne. « Mais croyez-vous qu'elle consentira à nous recevoir ?»« Je l'espère, madame. Dans tous les cas, il ne nous en coûte rien de l'essayer. »« Je ne demande pas mieux, monsieur. Quand faut-il partir ?»« À l'instant même, si vous m'en croyez. »« Quoi, pendant la nuit ?»« Vous ne craignez pas que ce Barberousse ?»« Barberousse, madame, doit galoper à l'heure qu'il est sur la route de Paris, pour y chercher du renfort, et ne sera guère de retour à Conflans que dans la matinée de demain. » C'est un répit dont il serait maladroit à nous de ne pas profiter. Or, il ne nous faut pas plus d'une heure pour faire nos préparatifs, atteler la chaise de poste et garnir nos chevaux. Voulez-vous que j'en donne l'ordre à l'instant ? Soit, monsieur, fit madame de Coissy après un moment d'hésitation. Avant une heure, nous serons prêtes. Pendant qu'elle entraînait Valentine et André, dont ce départ précipité redoublait les transes, Jean donnait à ses domestiques l'ordre d'atteler la chaise, de sceller les chevaux et chargea Julien de veiller à ce que ses instructions fussent bien remplies. Dans son cabinet, il alla prendre un coffret de fer, dans lequel il versa une bonne livre de poudre et plaça un sac de cuir rempli de balles. Enfin, après avoir rechargé ses pistolets, il procéda rapidement à sa toilette et lava son oreille ensanglantée sans parvenir toutefois à la rendre présentable. Cela fait, il alla porter lui-même dans le carrosse le coffre qui contenait ses munitions, s'assura que les montures étaient bien sanglées et revint au château. Là, pendant qu'à son tour le jeune comte de Montbazin bouclait sa valise, Jean eut le temps de réfléchir aux événements dans lesquels il venait de jouer si activement son rôle. Par quelle bizarrerie étrange le hasard l'avait-il si étroitement rapproché de celle qu'il aimait? Il y a 8 jours, elle n'avait guère laissé dans ses souvenirs que la vague impression d'un rêve, et il ne supposait pas que ce rêve pût jamais devenir une réalité. Aujourd'hui qu'il vivait côte à côte avec elle, il s'abandonnait avec ivresse au bonheur de cette délicieuse communauté. Les obstacles qui le séparaient d'elle, il était décidé coûte que coûte à les briser. Dût-il acheter un titre et un nom pour les lui donner. Il aimait avec passion, il le sentait, et il éprouvait à s'en convaincre chaque jour une jouissance dont il n'avait jamais ressenti jusqu'ici les âcres voluptés. André l'aimait-elle aussi? Il l'ignorait. Si elle avait supporté sans révolte apparente les longs regards qu'il laissait tomber sur elle, s'il avait senti trembler sa main dans la sienne une pauvre fois, cela ne prouvait pas qu'elle fût animée envers lui des sentiments qui l'agitaient lui-même. Cependant, elle venait de donner à l'instant une preuve bien évidente de l'intérêt qu'elle portait à Vif-Argent. En s'approchant de lui, en le voyant blessé, en songeant que pour elle il avait failli se faire tuer, elle n'avait pu réprimer un cri d'angoisse auquel Jean n'aurait pas mieux demandé que d'attribuer une grande éloquence. Se trompait-il? Ce cri partait-il réellement du cœur? N'était-il qu'un témoignage d'amitié? Voilà ce que se demandait le pauvre amoureux, et quoiqu'il n'osât pas trancher la question dans le sens qui lui était le plus favorable, il lui semblait qu'il y avait dans cette manifestation naïve d'André quelque chose de plus qu'un mouvement d'intérêt banal. Aussi, cette seule pensée qu'il pouvait être aimé d'elle éclaira son visage d'une radieuse expression de félicité. Il en arriva bientôt à se figurer qu'il n'était pas le jouet d'une erreur, à espérer qu'elle ne repousserait pas son amour, que de cet adorable enfant il lui serait permis de faire un jour l'idole de sa vie entière. Il avait fermé les yeux, afin de mieux s'absorber en elle. Il la voyait distinctement, avec ses cheveux blonds un peu rebelles, dorés par ce beau soleil de printemps, avec ses grands beaux yeux bleu foncé, frangés de longs cils noirs recourbés, sous des sourcils châtains finement arqués, avec son nez correct, aux narines roses et immobiles, sa bouche petite, fraîche et rose, déridée par un sourire espiègle qui découvrait ses dents nacrées. Sa taille souple et cambrée, son corsage élégamment arrondi, ses fines attaches, ses mains de patricienne, son pied d'andalouse, toutes ces perfections qu'une à une il avait découvertes en elle, lui apparaissaient à la fois, et c'était dans une sorte de pieuse extase qu'il les contemplait. Julien vint inconsciemment l'arracher à cette rêverie enchanteresse. « As-tu donné à ton cocher l'itinéraire que tu comptes suivre pour gagner Chelles ?» lui demanda-t-il. « Pas encore. » « Est-ce que tu as l'intention de traverser Paris ?»« Je m'en garderai bien. »« Quand même, ce serait notre chemin le plus direct, » répondit Vif-Argent. Or, comme cela nous écarterait énormément de la ligne droite, nous n'approcherons même pas de Paris. Le chemin le plus court est de passer par Conflans, de gagner Hermont puis Servan pour atteindre Chelles. Combien de lieues environ ? » Une 10aine de lieues au plus. Nous pourrons donc nous arrêter soit à Hermont, soit à Servan, pour laisser souffler nos chevaux de manière à ne pas arriver au couvent avant le jour. Et traverser Conflans ne te fait pas peur ? Interrogea le jeune officier. Non, je suis certain que Barbrousse l'a déjà quitté. Dans tous les cas, avec les 2 sacripants qui lui restent, il n'est pas de force à nous barrer le passage, tandis que, osa-t-il le faire, nous sommes en mesure de lui répondre. Certes, dit le comte en retroussant crânement sa moustache blonde. Un instant après, Madame de Coissy, suivie de Valentine et d'André, firent annoncer qu'elles étaient prêtes. Les 2 jeunes gens allèrent les rejoindre au salon et se dirigèrent avec elles du côté des communs, où la chaise de poste et les chevaux les attendaient. Après avoir distribué à ces gens une poignée d'or, Jean fit monter ces dames en voiture et recommanda au cocher de se tenir à une distance régulière de 25 pas. Puis il sauta en selle, se rangea à côté de Julien et prit les devants. Au lieu de suivre le carrosse, comme la première fois, il voulait le précéder afin d'éclairer la route. Enfin, la grande porte s'ouvrit et le cortège, dans l'ordre que nous avons dit, traversa bruyamment le village endormi. Julien et Jean, le pistolet au poing, marchaient en avant, préparés à toutes les surprises. Tant de précautions devinrent inutiles quand on eut traversé Conflans sans y rien découvrir d'inquiétant. Vif-Argent ne s'était donc pas trompé dans ses conjectures. Ou Barberousse était parti, ou il ne s'imaginait pas que ses ennemis auraient l'aplomb de lui glisser si audacieusement entre les doigts. Malgré cela, les jeunes cavaliers ne continuèrent à avancer qu'avec une extrême prudence. Jean connaissait d'ailleurs parfaitement le chemin. Dans ses nombreuses excursions à cheval autour de Paris, il en avait à peu près parcouru tous les environs. Vers 2h30, ils allaient atteindre Hermont, dont le clocher se dessinait nettement à l'horizon, quand derrière eux un grand fracas se fit entendre accompagné de cris de terreur. Ils se retournèrent brusquement et aperçurent la chaise de poste fortement inclinée sur la droite. Un des chevaux s'était abattu. Le cocher mettait pied à terre pour le relever. Vivement, ils s'approchèrent au moment où la baronne et ses filles sautaient hors de la voiture. Qu'était-il donc arrivé? Tout simplement, l'essieu de derrière s'était brisé. Si le carrosse n'avait pas versé, c'est que les roues, en s'écartant, l'avaient calé de chaque côté comme deux béquilles. Cela n'avait rien de bien étonnant. Depuis fort longtemps, cette malheureuse chaise de poste n'avait pas servi. Et on avait quitté Paris si précipitamment que l'on n'avait pas eu le temps de l'envoyer chez le carrossier pour la lui faire inspecter. À ce mal, il n'y avait pas de remède immédiat. Il fallait gagner Hermont à pied, y trouver un aubergiste d'abord, un charron ensuite. La baronne déplorait cet incident, qui, fort mal à propos, avait ravivé ses terreurs. Valentine en prenait assez bien son parti. Quant à André, elle en riait de tout son cœur et déclarait que pour elle, un voyage sans accident n'était pas un voyage. Jean donna l'ordre au cocher d'abandonner le carrosse, de dételer les chevaux et de le suivre à Hermont, dont on n'était guère éloigné du reste que de 500 ou 600 pas. La petite caravane se mit en route sans trop rechigner. Jean assurait d'ailleurs que c'était un retard de courte durée et qu'en 2 heures, tout pouvait être réparé. En effet, au bout d'un petit quart d'heure, nos voyageurs avaient atteint le village et frappé à la porte d'une auberge qui s'ouvrit devant eux avec une complaisance de bon augure. Jean exposa le cas à l'aubergiste, qui proposa d'aller lui-même réveiller le charron. « C'est cela, » dit Vif-Argent, « et pendant qu'il réparera notre chaise, vous nous servirez à souper. » La figure de l'hôte s'épanouit devant cette aubaine inespérée. À l'instant, il mit sur pied tout son monde. Au bout d'un quart d'heure, les chevaux étaient à l'écurie, la table dressée, le souper servi et le charron arrivait. Jean lui expliqua ce dont il s'agissait. Le bonhomme promit qu'il ferait de son mieux et s'éloigna. Madame de Coissy avait fini par se dérider. Maintenant qu'il n'était plus au château, Jean lui avait fait occuper la place d'honneur, de manière à se trouver auprès d'André, comme Julien se trouvait à côté de Valentine. C'était la première fois qu'il était si près d'elle, que sa robe de soie frôlait son genou, qu'il respirait le divin parfum qui s'exhalait de sa personne, que leurs mains se rencontraient dans un mutuel empressement à saisir les menus objets dont la table était couverte. Jean rayonnait. Il aurait souhaité que de pareils accidents se multipliassent à l'infini pendant le court voyage qu'ils avaient entrepris. Il ne s'imaginait pas que ses désirs allaient être si promptement exaucés. Alors que le souper touchait à sa fin, le charron revint. Il avait constaté le dégât. L'essieu était bien cassé, il fallait absolument le remplacer. Par malheur, il n'en avait pas chez lui de cette dimension, il s'en était assuré. Mais il offrait de partir sur le champ avec sa voiture pour Paris, où il irait en acheter un, et d'où il serait certainement de retour avant midi. C'était un grand retard, mais il fallait bien s'y résigner. « Allez, » lui dit Jean, « et comptez sur ma générosité si vous tenez parole. » Le charron s'éloigna, en jurant ses grands dieux qu'à 2 heures la chaise de poste serait réparée. La fin du souper se ressentit de ce contretemps. Les deux amis échangèrent un regard d'intelligence. Ils savaient bien que Barberousse ne perdait pas une minute pour réparer l'échec qu'il avait subi, et que chaque heure qui s'écoulait les rapprochait d'un nouveau danger. Mais ils eurent le bon esprit de garder pour eux la vague inquiétude qu'ils ressentaient. Ils donnèrent à l'aubergiste l'ordre de préparer des chambres. Prendre un peu de repos, c'était en effet ce qu'il y avait de mieux à faire. La baronne ne demandait pas mieux car elle tombait de sommeil. Valentine et André, moins fatiguées qu'elle, ne pouvaient pourtant pas faire autrement que de suivre son exemple. Elles se retirèrent aussitôt. Julien et Jean, eux-mêmes, ne tardèrent pas à les imiter, car d'après les calculs auxquels ils venaient de se livrer, Barberousse ne pouvait pas les atteindre avant au moins 24 heures. Quelque désir qu'il en eût pourtant, Vif-Argent ne parvint pas à fermer l'œil. Il redescendit bientôt pour commander le dîner et sortit autant pour constater la gravité de l'accident dont ils avaient été victimes que pour s'assurer qu'aucune figure sinistre n'errait aux alentours du village. Le charron avait dit vrai, il était impossible de se remettre en route, l'essieu s'était cassé net par le milieu. Jean retourna à l'auberge et pénétra dans l'écurie où le cocher ronflait sur la paille avec la consciencieuse tranquillité d'un homme qui s'est acquitté de ses devoirs. Les chevaux avaient grasse litière, leur atelier était bien garni. Il tua ainsi le temps jusqu'à midi afin de tromper l'impatience qui le dévorait. L'heure à laquelle le charron avait promis de revenir était sonnée et il n'avait pas paru. On se mit à table, sans grand appétit. Chacun, sans en rien dire, sentait que les instants étaient précieux. Enfin, vers 1 heure, le charron était de retour à l'auberge. Il avait dîné en arrivant afin de ne pas interrompre sa besogne et d'en avoir terminé plus tôt. Un de ses ouvriers l'accompagnait. Avant 3 heures, si l'essieu qu'il apportait était de mesure exacte, on pourrait atteler les chevaux à la voiture. Dès que la réparation en serait terminée, il le ferait savoir par son ouvrier. « Parfait, » dit Vif-Argent. « Nous arriverons à Chelles entre 5 et 6 heures. C'est tout ce qu'il nous faut. » 3 heures, 4 heures sonnèrent. L'ouvrier n'arrivait pas. Julien et Jean prirent le parti d'aller à la découverte. Le carreau s'était étayé sur 2 criques et bien d'aplomb, mais les roues gisaient encore sur le revers du fossé. À chaque bout de l'essieu, le patron et l'ouvrier limaient à tour de bras. La sueur qui perlait sur leur visage prouvait qu'ils avaient travaillé sans relâche. « Eh bien, ça ne va donc pas ?» demanda Jean qui s'approcha. « Pas tout seul, non, monseigneur, » répondit le charron. « L'extrémité de l'essieu est trop forte pour les boîtes. Il faut que nous la réduisions avant de l'ajuster. Sera-ce encore bien long ?»« Oh, nous en avons bien encore pour 2 petites heures, » fit le charron. Jean ne fut pas maître d'un geste de colère. Il savait bien ce que signifiait en langage de paysan 2 petites heures ou 2 petites lieues. Cela voulait dire qu'il n'aurait pas fini avant 7 heures. « Si vous aviez besoin d'un coup de main, » proposa Julien, « nous pourrions vous aider. » Le charron se mit à rire. « Vous, maniez ces outils-là » s'écria-t-il. « Sauf votre respect, monseigneur, ça ne serait pas le moyen d'avoir fini plus tôt. » Ne pouvant être utile à rien, les 2 jeunes gens revinrent à l'auberge où Madame de Coissy commençait à s'ennuyer fort. À 6 heures, personne n'ayant paru, Jean fit partir en avant le cocher et les chevaux avec ordre formel de ramener la chaise dès qu'elle serait prête. Lui-même et Julien scellèrent leurs montures, les bridèrent et les attachèrent de façon à se mettre en route aussitôt que la voiture arriverait. À 7 heures enfin, elle s'arrêta devant la porte de l'auberge. Les 3 femmes y montèrent en toute hâte. Jean récompensa généreusement les 2 ouvriers et donna au cocher l'ordre de trotter vers Sevran. Fort heureusement, au mois de juin, la nuit ne tombe guère avant 9 heures. En se pressant un peu, il serait possible d'arriver au couvent à 1 heure décente. On partit donc. Cette fois, Julien et Jean changèrent de tactique et se mirent à l'arrière-garde. S'il y avait un danger à courir, c'était sûrement de ce côté qu'il les menaçait. Ce fut en effet de là qu'il surgit. En calculant avec Julien le temps qu'il fallait à Barberousse pour retourner à Paris, rassembler une nouvelle troupe, revenir à Conflans et se lancer à sa poursuite, Jean avait jugé que 24 heures pour le moins étaient nécessaires. Mais il avait compté sans la fureur du misérable et son désir de se venger. Après avoir échappé par miracle au piège dans lequel Vif-Argent l'avait attiré, Barberousse, exaspéré de son humiliante défaite, avait regagné Conflans, où les 2 compagnons qui avaient également réussi à s'esquiver ne tardèrent pas à le rejoindre. Parmi ces 2 hommes se trouvait précisément celui qui avait transmis le premier à son capitaine les renseignements que l'aubergiste de Neuville lui avait fourni sur le château et ses habitants. Quel était son véritable nom? Lui-même ne le savait peut-être pas, mais ses camarades l'appelaient Longboyau à cause de l'insatiable appétit dont il était doué. Sans s'accorder 1 heure de repos, Barberousse remonta à cheval et repartit pour Paris, après avoir spécialement chargé Longboyau d'aller s'informer le lendemain matin à Neuville et de surveiller la route jusqu'à son retour. Pour se remettre de l'émotion qu'il venait d'éprouver, Longboyau estima qu'un bon souper était le meilleur réconfortant et se fit servir dans sa chambre, où il se mit à table en tête-à-tête avec son camarade. Vers 1 heure du matin, ils avaient achevé leur repas et allaient se mettre au lit quand un grand bruit de chevaux et le roulement d'un lourd carreau s'attirèrent leur attention. La fenêtre de leur chambre donnant sur la route, ils n'eurent que la peine de soulever les rideaux pour distinguer nettement deux cavaliers, précédant de quelques pas une chaise de poste attelée de deux gris pommelés. « Tiens, murmura Lamboyau, voilà une cavalcade qui nous arrive du côté de l'Oise. Est-ce que la baronne de Coissy nous céderait la place ?» Le lendemain, à la première heure, il se rendit à Neuville à la même auberge où il s'était déjà arrêté et n'eut besoin d'interroger personne pour apprendre ce qui s'était passé. Le jardinier du château, en sa qualité de vieux soldat, racontait d'un ton hâbleur aux 10 paysans qui l'écoutaient de quelle façon brillante il avait repoussé la bande de malandrins qui, la nuit dernière, avaient essayé de s'introduire dans le château. Ces dames ont eu une telle peur, ajoutait-il, qu'elles n'ont pas voulu rester une minute de plus à Neuville et sont parties immédiatement, accompagnées de mon jeune maître et de son ami, le comte de Montbazin. Ainsi, pensa Lamboyau, cette voiture et ces deux cavaliers que j'ai vus passer cette nuit sous ma fenêtre venaient de Neuville. J'en avais le pressentiment, parbleu. C'est bon à savoir. Nous connaissons déjà la direction qu'ils ont prise. Après avoir payé son écho, il s'en revint pourtant à Conflans légèrement ébranlé. D'après le récit du jardinier, trois de ses camarades avaient été tués, deux autres blessés. Diable ! Mais alors, on n'aurait pas raison de ces gens-là aussi facilement qu'on l'avait cru. Cela ne promettait rien de bon pour l'avenir. Pendant ce temps, Barberousse, la rage au cœur, galopait sur la route de Paris, où il arrivait vers 2 heures. Sur le champ, il parcourait les cabarets borgnes qui pullulaient à cette époque dans l'espace compris entre le Palais Royal et les Halles, cabarets qu'il connaissait sur le bout du doigt et où lui-même était connu de longue date. En moins de 2 heures, dans le ramassis d'aventuriers de bas étage dont ses bouges étaient peuplées, il avait recruté 10 hommes solides et qui, pour un écu de 6 livres, auraient assassiné père et mère. À 5 heures du matin, il les faisait monter sur les chevaux de poste qu'il avait commandés. À 7 heures, il était de retour à Conflans, où Lamboyau lui communiquait les nouvelles qu'il avait apprises. Barberousse était très perplexe. Il se demandait si Madame Coissy était rentrée à Paris ou s'il avait choisi une autre retraite. « Bon, se dit-il, c'est la Paris, nous l'y retrouverons quand nous voudrons. Si elle a choisi une autre retraite, elle n'a guère pu y dépasser un rayon de 10 ou 12 lieues. Encore un lourd carrosse comme celui qui l'emmène ne peut-il, sans s'arrêter, fournir une bien longue traite. Si nous suivons la direction qu'elle a prise, je la défie de dépister nos recherches, car le bruyant équipage dans lequel elle est partie ne saurait glisser inaperçu à travers les pays par lesquels il aura passé. » Ceci décidé, fallait-il la poursuivre sans plus tarder? Barberousse hésitait. Ses chevaux avaient déjà 6 lieues dans les jambes. Les fugitifs avaient sur lui plus de 6 heures d'avance. Essayer de les rattraper, c'était mettre ses chevaux sur les dents, pour n'arriver peut-être à aucun résultat. Donc, puisque la chaise de poste devait s'arrêter presque fatalement en chemin, mieux valait la laisser rouler jusqu'à la halte qu'elle aurait choisie et ne quitter Conflans que vers 7 heures du soir. Barberousse avait d'ailleurs cela de commun avec les hiboux, c'était de préférence pendant la nuit qu'il chassait. Il fit conduire les chevaux à l'écurie, permit à ses hommes de dormir tous leurs sous, et alla lui-même se jeter sur un bon lit pour se remettre des 2 nuits blanches qu'il venait de passer. Vers 3 heures de l'après-midi, il se leva, frais et dispos, mangea d'un formidable appétit et rassembla sa petite troupe. Après l'avoir inspectée et s'être assuré qu'elle était bien armée, il fit donner aux chevaux une large provision d'avoine. « À 7 heures précises, tout le monde en selle, » commanda-t-il. « Voici pour chacun de vous 1 louis à compte sur les 5 que j'ai promis. Buvez et mangez, mais je vous préviens que si l'un de vous a le malheur de s'enivrer, je lui fais sauter la cervelle. » À ces mots, il leur tourna le dos et alla tranquillement s'asseoir au bord de la Seine qui coulait paresseusement à ses pieds, rougie par les rayons du soleil couchant. Mais il ne songeait alors aucunement à admirer le magnifique panorama qui se déroulait à ses yeux, ni les arbres gigantesques qui couvraient en face de lui l'île de Conflans et miraient dans l'eau leurs vigoureuses ramures, ni les hauteurs de la Frette et d'Herblay, qui se contournaient capricieusement à sa gauche, ni celle de l'Othil qui, sur sa droite, commençait à se noyer dans le bleu du soir, ni même les frondaisons impénétrables de la forêt de Saint-Germain, qui, par-delà la plaine d'Achères, se découpaient devant lui à l'horizon, n'attiraient l'attention de l'aventurier. Il ne songeait qu'à satisfaire le caprice de son maître. Les renseignements que Lamboyau lui avait apportés de Neuville lui donnait fort à réfléchir. 5 hommes sur 8 tués ou hors de combat, pour n'aboutir qu'à une défaite honteuse, c'était dur. Qui donc avait organisé la défense et préparé le piège auquel il s'était laissé prendre? Était-ce le comte de Montbazin? Était-ce Jean Michaud? Non, ce ne peut être le comte, se disait Barberousse, puisqu'il n'est arrivé qu'à 7 heures au château. Il n'aurait pas eu le temps, avant souper, de se procurer et de charger les armes, de prévenir les laquais, de les équiper. Évidemment, tout cela a été fait avant son retour. Donc, c'est Vif Argent, celui dont je croyais avoir le moins à craindre, qui a armé et endoctriné ses gens, qui a préparé le guet-apens dans lequel nous sommes tombés si bêtement. Il s'arrêta un instant, très hésitant. Eh bien, en cas de nouvel insuccès, nous demanderons contre ce jeune imprudent une petite lettre de cachet, qui nous en débarrassera pour jamais. Oui, mais mieux vaudrait encore réussir et nous en défaire en lui logeant une bonne balle dans la tête. Cela lui apprendrait à se mêler de ce qui ne le regarde pas. À ces mots, il éclata d'un grand rire et se leva, décidé à n'agir qu'avec la plus grande circonspection. Cependant, il n'était pas aussi rassuré qu'il voulait le paraître, quand vers 6h30, fatigué de se promener sur la berge, il revint à l'hôtel, devant lequel ses hommes étaient rangés et devisaient bruyamment. En l'apercevant, ils se turent. 2 ou 3 se levèrent respectueusement, les autres ne se dérangèrent même pas. Il ne devait rien à Barberousse en dehors de la sinistre besogne qu'il s'était chargé d'accomplir. « Allons, à cheval » ordonna-t-il. Ils obéirent, avec plus d'insouciance que d'empressement, tandis que leur capitaine réglait le compte de l'aubergiste. Quelques minutes après, ils vinrent se ranger sur le bord de la route. Barberousse se mit en selle, les passa en revue avec la gravité d'un lieutenant général, les fit placer par file de 3, et prit la tête de la troupe accompagnée de longs boyaux, qu'il fit entrer de nouveau dans les plus grands détails sur tout ce qu'il avait vu et entendu. Il n'y avait pas d'erreur possible. Le carreau sattelé de 2 chevaux, gris pommelé, était bien celui qui avait amené la baronne à Neuville. L'heure à laquelle elle en était partie, selon le jardinier, correspondait parfaitement avec celle où ce carreau s'avait traversé Conflans la nuit dernière. Malheureusement, si la chaise avait voyagé toute la nuit, peut-être serait-il bien difficile de relever les traces de son passage. Cependant, en arrivant à Herblay, Barberousse, qui se renseigna à l'auberge, eut la chance de rencontrer un paysan qui était allé la veille à Hermont et qui, revenant sur le tard, avait croisé une chaise de poste escortée de 2 cavaliers. Barberousse prit aussitôt la route d'Hermont. Vers 7h15, il distinguait clairement les maisons et le clocher du village lorsqu'il aperçut 2 ouvriers charrons, encore ceints de leur tablier de cuir, qui chargeaient sur une brouette de cric un essieu brisé par le milieu et les outils de leur profession. Il s'arrêta court. « Tiens, vous avez donc travaillé sur la grande route ?»« Oui, capitaine, » répondit le charron. « Et ce n'était pas commode, je vous l'assure. Mais ces dames et ces jeunes gens étaient si pressés. Et puis ils nous ont si bien payés que nous n'avons pas à nous plaindre. »« Ah !» fit Barberousse avec une indifférence parfaitement jouée. « Qu'était-il donc arrivé ?»« Une grosse avarie, capitaine. L'essieu de leur chaise s'était cassé et je n'en avais pas chez moi de ces dimensions. Il a fallu que j'aille en chercher à Paris. » « Diable, cela a dû déranger vos tourtereaux, » dit l'aventurier en riant, « car c'était sans doute une nichée d'amoureux. »« Je ne crois pas, capitaine. Le gentilhomme et l'officier qui l'accompagnaient montraient la plus grande déférence envers la mère et ses 2 filles. »« Ah, il s'agissait d'une honnête famille, alors ?»« C'est mon idée, capitaine. »« Mais il n'y a donc pas longtemps que vous avez terminé votre ouvrage. »« 1/2 heure au plus, capitaine. » Nous avons livré leurs chaises aux 2 gentilshommes et nous sommes venus ramasser nos outils. Est-ce qu'ils ont déjà quitté Hermont? C'est probable, car nous avons vu ces dames monter en voiture. Mais il n'y a pas plus d'un quart d'heure, assurément, et si vous continuez votre chemin, vous ne tarderez pas à les rattraper. Oh, nous n'avons que faire de ces gens-là, répliqua l'aventurier. Merci toujours, mon ami, et au revoir. À ces mots, il piqua des 2. Sa troupe le suivit, traversa Hermont comme une trombe, et s'élança sur la route au grand galop. Barberousse, qui la guidait, semblait avoir des ailes. Enfin, il allait donc se venger de l'échec qu'il avait subi la veille, rejoindre l'ennemi en rase campagne et l'anéantir sous le choc de sa petite armée. Car il en était certain, cette voiture et ses cavaliers, que le charron lui avait signalés, étaient bien ceux qu'il poursuivait. Le ciel les lui livrait donc, parbleu, il avait bien mérité cette grâce. comme pour l'encourager dans ses belliqueuses dispositions, vers 7h30, un point noir apparut sur la route. Plus de doute, il les tenait. Il se précipita avec une ardeur nouvelle. Au bruit de cette furieuse cavalcade, les échos endormis dans le silence du soir se réveillèrent étonnés. Julien et Jean les entendirent, se retournèrent, et n'eurent pas de peine à s'en expliquer la cause. Le danger qu'ils redoutaient fondait sur eux 4 heures plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. « Cette fois, nous sommes perdus, » dit Julien. « Barberousse ne nous fera pas de quartier. »« C'est mon avis, » approuva vif Argent. « Il s'agit donc de vendre chèrement sa peau. »« Ça ne sera pas long, » fit le jeune comte. « Ils sont au moins 10 ou 12. »« N'importe, on fera ce qu'on pourra. » À cet endroit, la route formait un léger coude et traversait un petit bois dans lequel ils s'engagèrent. Quand ils furent complètement masqués par les arbres, Jean donna au cocher l'ordre de s'arrêter. « Tiens mon cheval en main, » dit-il à Julien. Aussitôt, mettant pied à terre, il s'approcha du carrosse. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda Madame de Coissy. « Il y a, madame, que l'accident dont nous avons été victimes nous a fait perdre un temps précieux, que nous sommes poursuivis, que dans 10 minutes Barberousse nous aura atteints et que nous serons à sa merci, si je n'y mets bon ordre. Que comptez-vous donc faire ? Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, madame. » Mais vous allez continuer votre chemin et tâcher de gagner l'abbaye de Chelles. J'espère que nous parviendrons à vous rejoindre à temps pour vous y introduire, mais je ne puis vous en répondre. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas vous occuper de nous. » En même temps, il prit le coffret de fer dans lequel était renfermée sa provision de poudre et de balles. « Et toi, » commanda-t-il au cocher, « ventre à terre pour Chelles, n'aie pas peur de crever tes chevaux, roule !» Le cocher enveloppa son attelage d'un vigoureux coup de fouet et la chaise disparut. Quant à Jean, il plaça le coffret au beau milieu du chemin, y prit une poignée de poudre et en fit une traînée qui aboutissait au fossé de droite. Puis, sur le coffret, il posa doucement le manteau gris qui était roulé sur sa selle. « Maintenant, » dit-il à Julien, « attachons nos chevaux à un arbre et couchons-nous dans le fossé. » Sans trop comprendre ce que voulait vif Argent, Julien obéit, attacha les montures et vint se ranger à côté de lui. Le bois dans lequel Jean s'était arrêté était plongé dans une obscurité beaucoup plus épaisse que la plaine et favorisait le plan qu'il avait conçu. S'il réussissait, la troupe tout entière de Barberousse pouvait être anéantie d'un seul coup. Il ne s'agissait, au moment voulu, que de mettre le feu à la traînée de poudre pour faire éclater le coffret rempli de poudre et de balles qu'il avait posé en travers de la route. C'était pour dissimuler ce nouvel engin de destruction que Jean l'avait caché sous son manteau, dont la forme ne devait inspirer aucune inquiétude et dont la couleur se confondait assez bien dans l'obscurité avec la poussière du chemin. À peine ces préparatifs étaient-ils achevés, que la cavalerie de Barberousse, lancée à toute vitesse, s'engageait dans le bois, poursuivant avec un aveugle acharnement la chaise de poste qui avait un instant échappé à ses regards. « Attention !» dit vif Argent à Julien. « Couche-toi à plat ventre !» Alors, à l'instant où le capitaine et ses cavaliers allaient franchir le coffret, vif Argent tira de sa ceinture un de ses pistolets et fit feu. Aussi promptement que l'éclair sillonne la nue, la traînée de poudre s'enflamma. Une épouvantable détonation ébranla les airs, mêlée de cris et d'imprécations. C'était la machine infernale de Jean qui venait d'éclater en plein rang ennemi. « Debout et à cheval » cria-t-il à Julien en se relevant aussitôt. Presque étonnés tous les deux de se retrouver sains et saufs, après avoir entendu siffler les balles dans toutes les directions, ils coururent vers leurs chevaux sur lesquels ils s'élancèrent. Puis ils revinrent sur la route pour disputer le passage à la troupe de Barberousse. Elle était, hélas, en piteux état, à en juger par les cadavres et les débris dont le chemin était jonché. 3 chevaux gisaient éventrés, 2 autres s'étaient enfuis en poussant des hennissements douloureux, 4 cavaliers avaient mordu la poussière, 2 autres, emportés par leurs chevaux, essayaient vainement de les ramener et disparaissaient déjà dans le taillis, déchirés et meurtris par les arbres auxquels ils se heurtaient à chaque foulée de leur monture. 4 cavaliers seulement restaient debout, mais dispersés et frappés d'une telle épouvante qu'au moment où Julien et Jean se précipitèrent sur eux, ils ne tentèrent même pas de leur résister. En vain, Barberousse, qui s'était tiré de ce mauvais pas sans une égratignure, essayait de les rallier. Ils ne voyaient et n'entendaient rien. Ce fut sans se défendre qu'ils reçurent à bout portant les 2 coups de pistolet que Julien et Jean leur déchargèrent en pleine poitrine. Quant à Barberousse, exaspéré de ce nouvel insuccès, il fit un signe à Longboyau et lui montrant vif Argent. Débarrassons-nous de ce démon ou nous sommes perdus, lui dit-il. Tous deux se ruèrent furieusement sur Jean, la bride aux dents et un pistolet de chaque main. Ensemble, à 5 ou 6 pas, ils déchargèrent sur lui leurs 4 coups. Vif Argent les vit venir, mais ne put que se coucher précipitamment sur l'encolure de son cheval pour éviter cette fusillade. Par malheur, si vite qu'il eut exécuté ce mouvement, il n'en ressentit pas moins à l'épaule gauche une douleur cuisante. Cependant Julien, témoin du danger que courait son ami, s'était précipité sur les 2 derniers assaillants. S'il n'arriva pas à temps pour les arrêter, il eut du moins la consolation de venger Vif Argent, car, fondant sur Longboyau, il lui fit sauter la cervelle avant que le drôle ait pu prendre la fuite. Barberousse restait donc seul, n'ayant plus que son épée pour se défendre. « Allons !» cria Jean le jeune cornette. « Su ça, ce misérable, nous le tenons !» Quoiqu'il se sentît blessé, Jean tira courageusement son épée et se mit avec Julien à la poursuite de l'aventurier. Certain du sort qui lui était réservé, celui-ci n'avait pas jugé à propos de leur tenir tête. Il avait tourné bride et repris au grandissime galop le chemin d'Hermont. Tout à coup, Jean sentit que son cheval faiblissait entre ses jambes. Il ramassa vivement les rênes pour le soutenir, ne s'expliquant pas encore cette singulière défaillance. 100 pas plus loin, la pauvre bête buta du pied gauche de devant. Il la releva d'un vigoureux coup d'éperon auquel l'animal répondit par un hennissement plaintif. En vain, dans un dernier effort, le cheval s'épuisa pour répondre à la main de son cavalier. Au bout de 300 pas, il s'abattit lourdement. Heureusement, Jean avait fini par se rendre compte de ce phénomène extraordinaire. Évidemment, la courageuse bête était également blessée. Aussi, comme il se tenait sur ses gardes, il eut le temps de vider les étriers. Mais l'élan dans lequel il était emporté le fit rouler à terre. Un cri de douleur lui échappa malgré lui. Il venait de tomber sur l'épaule gauche qui le faisait de plus en plus souffrir. Au bruit de cette chute, le comte de Montbazin, qui avait pris les devants, se retourna et, renonçant à poursuivre Barberousse, courut au secours de Vif Argent. Déjà, le pauvre garçon s'était relevé. Julien s'approcha. Jean lui expliqua ce qui venait d'arriver. Le jeune officier sauta lestement à terre, força Vif Argent à se mettre en selle à sa place, et tout en le surveillant d'un regard inquiet, regagna bientôt l'endroit où la bataille avait eu lieu. Dans le fossé de la route, le cheval de Longboyau, débarrassé de son cavalier, broutait paisiblement l'herbe tendre. Julien le saisit par la bride. « Te sens-tu la force de poursuivre notre route, au moins jusqu'au village le plus proche ?» demanda-t-il à Jean. « Sois tranquille, j'irai jusqu'au bout, » répondit Vif Argent, qui brûlait de revoir André. « Rattrapons d'abord notre chaise de poste, nous verrons ensuite. » Le comte enfourcha le cheval dont il s'était emparé. « Pas de bravoure inutile, » dit-il à Jean. « Si tu te sens faiblir, ne crains pas de l'avouer. Une seconde chute pourrait entraîner ta mort, et je me la reprocherai comme un crime. « Je te le promets, » fit Vif Argent avec une impatience fiévreuse. « Allons, partons. » Prêchant l'exemple, il lança sa monture à un tel train que Julien avait peine à la suivre. Depuis une bonne demi-heure, ils galopaient à toute bride quand ils aperçurent enfin devant eux la lourde voiture. Le combat, en effet, grâce à l'engin destructeur que Jean avait imaginé, n'avait pas duré plus de 5 minutes. Nos deux amis n'en avaient guère perdu davantage à poursuivre Barberousse, puisqu'au bout de 500 pas au plus, le cheval de Jean s'était abattu. La massive chaise de poste n'avait donc guère sur eux qu'une avance de 10 minutes. C'est bien ce qu'avait calculé Jean lorsqu'il s'était mis en tête de la rejoindre.